Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux. Une commandite de votre magasin local et régional Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. Le printemps est à nos portes et pour vos besoins d'articles printaniers, c'est Canadian Tire du 1751 boulevard Vézina qui est l'endroit idéal. Surveillez la circulaire chaque semaine pour les différents spéciaux et magasinez en ligne au canadiantire.ca. Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport local et régional. Ben, la demande faite par les Aigles de Robertval d'ajouter une équipe en cadet division 1 a été refusée par le réseau de sport étudiant québécois. En entrevue sur les ondes de danadiosport.com, Simon Godreau hier a expliqué les raisons invoquées par le sport étudiant québécois. C'est un long processus, là. C'est important de bien comprendre qu'on avait fait une demande, on avait été refusé, on est allé en appel parce que c'était important pour les gens de notre programme, pour la commission scolaire du pays des Bleuets d'aller en appel dans cette décision-là. Parce que un peu ce qui nous est reproché, c'est au niveau de la fiche de nos équipes et puis la démographie, le bassin de nos jeunes. Il faut le vivre un petit peu au jour, au quotidien. On sait, nous, en étant en région, dans notre région, Lac-Saint-Jean-Ouest, Lac-Saint-Jean-Nord, qui ont une très belle qualité de joueurs de hockey. Mais c'est sûr que quand les décisions sont prises à l'extérieur de la région, là, ils connaissent pas nécessairement notre réalité. Donc, c'était ça qu'il fallait faire valoir. Et puis, il y avait un petit peu de misère à croire en notre bassin et en notre qualité de joueur. Étant donné la fiche de nos... Simon Godreau a bon espoir dans un deuxième temps que si jamais on travaille fort et si on prouve évidemment que Robertval peut avoir une équipe cadette, cette équipe pourrait venir. Oui, c'est sûr et certain. Mais en même temps, on a mis quand même beaucoup de travail, beaucoup de temps. Puis les jeunes, je sais que les jeunes de notre programme, puis d'autres aussi de l'extérieur, on a fait des approches avec d'autres personnes. Ouais. Se croiser les doigts pour qu'on l'aille quand même. C'est toutes ces choses-là. Oui, c'est sûr qu'on est sur un refus, on est déçu. Mais en même temps, on doit travailler avec nos jeunes, travailler fort. Puis tu sais, pour ça, on a besoin aussi de la population de ce côté-là pour conseiller notre programme. Les jeunes doivent croire en notre programme, venir chez nous. Là, on va prouver de ce côté-là qu'on a une belle qualité de joueurs parce que c'est ça qui ont un petit peu de difficulté à croire. Ouais. Et puis, avec la qualité de joueurs qu'on a, ça va se répercuter sur nos fiches. Et puis, éventuellement, en ayant tous les jeunes de notre... Le septième match de la série entre le multiconcessionnaire et l'équipe de la baie, le MGR, aura lieu dimanche soir au centre sportif Jean-Claude Tremblay de la baie. En entrevue mercredi sur les ondes de danadiosport.com, Jordan Fleury, qui est un des attaquants du multiconcessionnaire, a mentionné que l'équipe est prête pour ce match ultime. On est allé chercher un gros match. Là. On a joué une grosse troisième période samedi dernier. Ouais. Et on pense qu'on a le vent dans les voiles. On est motivé à bloc. C'était un match, t'as pas besoin de plus de motivation que ça. Ouais. Je le vois d'un très bon œil, puis je crois en nos chances là, de gagner ça. Et pour Jonathan Fleury, le multiconcessionnaire devrait marquer le premier but pour faire taire la foule du centre sportif Jean-Claude Tremblay, une foule hostile. T'sais, faut faire taire la foule. T'sais, c'est une foule qui est hostile, qui est très hostile. Très hostile, fait que je pense que on réussit à faire taire la foule comme on l'a fait en troisième. En première période de la game 5, de la game 7, ça peut être très, très, très dangereux. Et là, plus le match va avancer, plus ça va être en notre faveur. Faut réussir à imposer notre rythme en première période et non essayer de revenir de l'arrière en troisième. L'Avalanche du Colorado l'a emporté 3-2 contre les Jets de Winnipeg pour se qualifier pour les séries. Samuel Girard de Robertval a amassé une passe et a terminé le match à plus 2 et a joué 20 minutes 12 secondes. Et en terminant en fin de semaine, le centre sportif de Normandin sera l'hôte du tournoi familial. Encore une fois, c'est une belle tradition. Il y a 32 équipes qui vont participer au tournoi familial. Et pas juste à Normandin, il y aura également dans différentes arénas, il y aura également un petit concours également pour avoir la possibilité de gagner 5 000 $ en argent Rona. Donc ça va se poursuivre dans trois arénas au cours du week-end. Je vous invite à écouter la section entrevue de danadiosport.com. Hier, on a parlé avec Marc Defoy qui explique son livre Baseball PQ qui résume l'histoire du baseball au Québec. Je me suis également entretenu avec Simon Godreau des Aigles de Robertval. Et vous pouvez écouter une autre entrevue également dans la section entrevue de danadiosport.com, soit avec Bob Desjardins, que Michel Tifot et Dominique Bolduc ont réalisé sur les ondes de CKAG. Sport local et régional, à danadiosport.com. On s'en occupe.